La Yougoslavie était-elle viable? N'était-elle pas vouée dès sa naissance entre les deux guerres mondiales à éclater un jour? Certes, la longue parenthèse Tito avait abouti à la formation d'un État fédéral où les différents peuples ont coexisté en paix. Mais c'était au prix de l'institution d'un régime fort et quasi dictatorial, au moins pendant les premières années. Toutefois, dès la mort du maréchal Tito en 1980, les démons du nationalisme ressurgissent. Et en 1991, c'est la guerre et l'implosion. Dans un premier entretien, M. X a remonté aux sources de ces nationalismes tant serbes que croates. Et il a surtout mis en évidence que l'homme fort de Belgrade, le communiste Slobodan Milosevic, a sciemment et cyniquement joué la carte du nationalisme pour conforter son pouvoir et régner sur les siens. Il a ainsi inventé une sorte de national-communisme qui, de guerre en guerre, va conduire son pays à la ruine et provoquer dans toute l'ex-Yougoslavie des dizaines de milliers de morts et même sans doute des centaines de milliers. Mais, pour être tout à fait juste, il faut ajouter que les dirigeants des autres républiques, le croate Franjo Tudjman ou le bosniaque musulman Izetbegović, ont eu leur part dans l'exacerbation de ces sentiments nationaux qui ont poussé les uns et les autres à recourir à cette arme terrible, le nettoyage ethnique. Une notion qui avait été théorisée dès les années 30 par un historien serbe, Vasa Kubrilović, qui prônait que seul un État peuplé par son propre peuple autochtone pouvait assurer sa sécurité. Il convenait donc de se débarrasser, y compris par la force, de tous les éléments halogènes. Et après tout, Hitler n'a pas agi autrement lorsqu'il a entrepris d'exterminer les Juifs. Monsieur X revient donc aujourd'hui sur la suite de ces événements tragiques et leurs ressorts les plus secrets. Mais il va aussi souligner les responsabilités de la communauté internationale qui a été si longtemps impuissante à imposer la paix. Tout a commencé, je vous l'ai dit, ça, en 1989, lors de la commémoration au Kosovo de la bataille du Champ des Mers. Ouais, le 600e anniversaire d'une défaite serbe face aux armées ottomanes. Oui, mais enfin, une défaite qui, paradoxalement, était à l'origine de la fierté serbe. Oui, une commémoration qui est aussi une sorte de provocation, puisqu'elle a lieu sur une terre, le Kosovo, peuplée majoritairement d'Albanais. Ouais, enfin, des Albanais islamisés par les Turcs. Et les nationalistes serbes les plus farouches réclament l'expulsion de ces Albanais qui, selon eux, occupent indûment une terre serbe. Un thème excessivement populaire en Serbie. Ouais, et dont va se servir Milosevic. Bien entendu. Ouais. Enfin, toutefois, sans vouloir excuser le dictateur serbe, bah, il faut dire que la plupart des hommes politiques serbes, et parmi eux beaucoup des dirigeants actuels, campent sur les mêmes positions nationalistes. Certains, comme le ministre des Affaires étrangères de la Nouvelle-Serbie, étant encore plus exalté que Milosevic. Alors pour expliquer tout cela, il convient aussi de tenir compte des blessures de la Seconde Guerre mondiale au cours de laquelle les Serbes ont payé un très lourd tribut. Ouais, les Serbes qui se sont rangés, il faut le dire, dans le camp allié. Hein. Entre les nazis et leurs affidés croates, les sinistres Oustachi. Enfin, n'y revenons pas. Nous en avons parlé déjà la semaine dernière. Après cette commémoration du Champ des Merles et l'appel explicite de Milosevic à la constitution d'une grande Serbie, le Kosovo s'enflamme. Ouais. Une grande Serbie, c'est-à-dire la réunion à la Serbie de territoires se trouvant dans les autres républiques, mais où habitent des Serbes. C'est ça, oui, en Bosnie-Herzégovine, mais aussi en Croatie. Et bien sûr aussi au Kosovo, une province rattachée à Belgrade, mais qui a longtemps disposé, grâce à Tito, d'une large autonomie. Une autonomie qui va d'ailleurs être supprimée par Milosevic. Oui, au prétexte que les Kosovars d'origine albanaise oppriment leurs compatriotes serbes. Et dès le début de 1990, des incidents éclatent. Cette flambée de violence va aller crescendo et l'armée fédérale, composée majoritairement de Serbes, intervient brutalement et provoque de nombreuses victimes. Et tandis que la Serbie suspend l'Assemblée et le gouvernement kosovar, une centaine de députés se réunissent clandestinement et proclament la République. La République kosovare. Hein. Une décision inacceptable pour Belgrade qui accentue la répression et tente d'extirper par tous les moyens le sentiment national kosovar. Dans les médias, l'éducation et l'administration. Une sorte de, comment dire, de serbisation de la province. C'est tout à fait ça. Et en même temps, ça craque partout dans ce qui demeure encore, mais pour peu de temps, la Fédération yougoslave. L'allumette qui va mettre le feu aux poudres, c'est la revendication dans les autres républiques de la tenue d'élections libres et donc la reconnaissance du multipartisme. Or, depuis Tito, le ciment qui lie ces républiques, c'est essentiellement la Ligue des communistes yougoslaves. Et c'est ce ciment qui se fissure. Oui, et ce sont les Slovènes qui tirent les premiers. Leurs dirigeants quittent la Ligue et au printemps 90, des élections libres donnent la victoire aux démocrates pour les législatives, mais à un candidat communiste pour la présidentielle. Quoi qu'il en soit, il est clair que la rupture avec la fédération est consommée. D'ailleurs, la Slovénie proclame sa souveraineté et un référendum consacrera le principe de l'indépendance de cette république. Et dans les autres républiques ? En Croatie, c'est à peu près la même chose. À la différence près que ce sont les nationalistes du parti de Tuđman qui emportent les élections. Tuđman lui-même devenant président. Plus inquiétant, on note alors que les Serbes de Croatie ont fait bande à part en votant pour les communistes. Oui, parce que le nationalisme croate leur fait peur. Naturellement. La vieille inimitié entre Croates et Serbes ne demande qu'à ressurgir. Et combien sont ces Serbes là, en Croatie ? Oh, à peu près 10%. Ah, ils ne vont pas tarder. Ouais. Ils vont d'ailleurs pas tarder à se rebeller contre le pouvoir de Tuđman et à faire sécession. C'est-à-dire là ? Ben, un certain nombre de communes peuplées de Serbes s'unissent, rompent avec Zagreb et s'érigent bientôt en République autonome serbe de Krajina. Une décision qui entraîne une riposte ferme des Croates. C'est la guerre. Une guerre larvée, oui. Le pouvoir croate s'attache surtout à bloquer toute fourniture d'armes aux rebelles. Des armes fournies par Belgrade, j'imagine. Bien sûr. Ouais, les sécessionnistes sont discrètement soutenus par Milosevic. Et c'est à cette occasion qu'on va voir apparaître le trop célèbre Arkan. Le chef milicien. Et gangster en même temps. Gangster, oui. En tout cas, bientôt, la situation devient explosive. Car les rebelles qui ont barré les routes encerclent aussi des villages croates. Et l'armée fédérale qui existe toujours, et fin de s'interposer, aide en fait ces serbes dissidents. Oui, mais vous m'avez dit que cette armée était devenue majoritairement serbe. Donc c'est la guerre qui menace. D'autant que le président Tuđman procède à des achats d'armes massifs. Et en Bosnie-Herzégovine, là, pendant ce temps, comment ça se passe ? Ben là aussi, on assiste à de vives rivalités entre les différentes factions ethniques et les partis qui en sont issus. Il y a les Serbes du SDA, le mouvement dirigé par un psychiatre ultranationaliste. Oui, c'est Radovan Karadžić, celui-là. Oui, ouais. Oui, le HDZ croate, qui n'est qu'une filiale du parti de Tuđman. Et enfin, le mouvement de l'avocat Izetbegović, qui a été créé sur une base religieuse. Islamique. C'est ça. Enfin, pour l'instant, c'est-à-dire en 1990, ces trois partis ont eu la sagesse de coexister et même de doter la Bosnie d'une présidence tournante. Le premier chef d'État de cette république fédérale étant Alija Izetbegović. Ouais, mais cette entente sera éphémère. Malheureusement. Ouais. Et en Serbie même, alors ? Bah, dans ce contexte, la Serbie devait également en passer par l'adoption du multipartisme. Et on a vu éclore un grand nombre de petits partis. Quelques-uns modérés, mais d'autres très radicaux et même de nature fasciste. Et donc excessivement nationaliste. Ouais. Enfin, habilement, Milosevic a pris les devants et transformé le Parti communiste en Parti socialiste. Nationaliste, lui aussi. En effet, car Milosevic se pose en protecteur naturel de ces minorités serbes de Croatie, de Bosnie ou du Kosovo. Et ça lui permet d'emporter largement les élections, tant au Parlement qu'à la tête de la République. Mais attendez, en cette année 1990, là, existe-t-il encore une fédération yougoslave ? Bah, en principe, oui. Mais il est désormais évident que ce n'est plus qu'une fiction. Et Milosevic osera même faire imprimer pour le seul usage de la Serbie des milliards de dinars. Ils iront donc avec les règles fédérales. En effet. Et un peu plus tard, les républiques ne parviendront même pas à élire un président fédéral. Ouais, ça c'est le commencement de la fin. Et dès la mi-1991, deux républiques prennent leur envol, la Croatie et la Slovénie. Leur envol, c'est-à-dire leur indépendance. Et c'est le vrai début des guerres de Yougoslavie. Alors, commençons peut-être par la moins meurtrière, et aussi la moins longue, celle qu'on a appelée la Petite Guerre de Slovénie. Pour riposter à cette déclaration unilatérale d'indépendance, l'armée fédérale, à l'initiative de la Serbie, pénètre en territoire slovène. En principe, il s'agit de protéger les frontières de la Yougoslavie. Mais c'est un prétexte, non ? Bon, bien évidemment. Mais très vite, l'affaire tourne mal. D'abord parce que les Slovènes, malgré la modestie de leur potentiel défensif, ne sont pas décidés à se laisser faire. Et ils causent de lourdes pertes à l'armée fédérale. Ensuite, parce que de nombreux militaires non serbes désertent ou rejoignent même les forces slovènes. Et enfin parce que l'Union européenne s'en mêle et impose sa médiation. Ah oui. Avec quelles conséquences ? Bah, après 15 jours de combats qui ont fait quelques dizaines de morts, l'armée fédérale recule et quitte la Slovénie. C'est donc une défaite pour Milosevic, là. Hein? Oui, mais enfin, une défaite en trompe-l'œil. Bah, il faut m'expliquer, ça. En réalité, Milosevic et les siens se moquaient bien de la Slovénie, une république où vivaient très peu de Serbes. Alors, heureusement, pourquoi avoir attaqué? Bah, il se devait de faire un geste pour se poser en protecteur de la Fédération yougoslave. Mais en réalité, il pensait à autre chose. L'édification de cette grande Serbie à laquelle rêve la majorité des Serbes. Et pour réaliser ce dessein, il avait secrètement poussé les Slovènes à sortir de la Fédération. Nouvelle explication, hein. La sécession slovène justifierait plus tard les actions armées des Serbes. Toutefois, cette reculade apparente de Milosevic a eu un effet déplorable. Auprès des siens? Non pas, mais chez les dirigeants européens qui ont longtemps entretenu l'illusion qu'il suffisait de hausser la voix pour établir l'ordre et la paix dans les Balkans. Une illusion qui coûtera très cher. Selon la journaliste Florence Hartmann, la Slovénie, un charmant pays où l'on situerait volontiers les aventures de Tintin telles qu'on peut les lire dans le sceptre de Tokar, avait conclu un accord secret avec Milosevic. Et c'est pourquoi cette première guerre a duré si peu longtemps. Voici l'explication de Florence Hartmann. L'Europe n'avait cessé ces derniers mois de réaffirmer sa volonté de voir la Yougoslavie se maintenir dans ses frontières et s'était clairement prononcée contre la politique indépendantiste de Zagreb et de Ljubljana. La Slovénie serait donc tenue pour première responsable de l'éclatement de la Yougoslavie et Slobodan Milosevic pourrait exploiter le précédent slovène pour remodeler à sa guise les vestiges de la fédération avec l'aide d'une armée orpheline. Le président serbe faisait preuve, une fois de plus, d'un grand pragmatisme. Nul ne pouvait douter que son plan serait beaucoup plus efficace que celui de l'armée yougoslave. Le livre de Florence Hartmann, Milosevic, La diagonale du fou, est publié chez Folio Gallimard. La Slovénie était donc un hors-d'œuvre pour Milosevic. Ouais, un hors-d'œuvre qu'il n'a pu avaler. Parce qu'il ne le voulait pas, mais la Croatie, c'était autre chose. Ah oui, un plus gros morceau, quand même. Et surtout, c'était l'ennemi héréditaire, hein. Un ennemi où demeure, je vous l'ai dit, un peu plus de 10% de Serbes. Or, selon les tenants de la Grande Serbie, partout où se trouvent des Serbes, c'est un morceau de Serbie qui existe. Oui, mais il dit aussi qu'autour des zones contrôlées par les Serbes de Croatie, la situation devenait de plus en plus explosive. Oui, d'autant qu'après l'autoproclamation de la République de la Krajina serbe, une autre région fait sécession. Toujours en Croatie et où alors? En Slovénie orientale, à la frontière de la Vojvodine. Et notez-le bien, dans tous ces territoires croates dont s'emparent les Serbes, on commence à procéder à un nettoyage ethnique. C'est-à-dire que les citoyens croates sont invités à partir. Invités, le mot me paraît bien faible. Sont expulsés manu militari. Et leurs maisons et villages, s'ils ne sont pas tout de suite occupés par des Serbes, sont purement et simplement détruits et brûlés. Et puis bien sûr, il y a des morts. Mais en ce début 1991, ce n'est pas encore vraiment la guerre. Mais ça y ressemble. Certainement. Et ça ne va pas tarder à dégénérer en véritable guerre lorsque l'armée yougoslave se mettra de la partie. C'est-à-dire l'armée fédérale, vous voulez dire? C'est ça. Ouais. Une armée largement contrôlée par les Serbes qui, en juillet 1991, intervient en Croatie avec ses armes lourdes, canons, tanks et aviation. Une véritable invasion, oui. Alors. Mmh. Et le prétexte? Toujours le même. Le maintien de la fédération et la protection que Belgrade doit à ses frères serbes. Mais de fiction, enfin de mensonge. Oui. Les militaires officiels dégagent le terrain, tandis que derrière, les supplétifs des milices font le sale boulot. Destruction de maisons, assassinats, viols, et j'en passe. Ces viols qui ont été tout au long des guerres de l'ex-Yougoslavie perpétrés systématiquement. Ouais, une sorte d'arme de guerre. Mmh. Et en face, que peuvent faire les Croates, hein? Au début, pas grand-chose, hein. Parce qu'ils ne disposent pas de matériel militaire suffisant pour s'opposer au bulldozer de l'armée yougoslave. Mais le temps passant, ils seront capables de mieux résister. En particulier parce qu'ils vont réussir à s'emparer de casernes fédérales où ils trouveront des armes. Et il faut bien le reconnaître, lorsqu'ils passeront parfois avec succès à la contre-attaque, ils agiront dans les territoires reconquis exactement comme les Serbes. Et eux aussi procéderont au nettoyage ethnique. Mais on peut aussi penser qu'ils exercent là une sorte de vengeance. Certainement. Mais qu'est-ce que ça change sur le fond? Les massacres ont beau répondre aux massacres, ce sont toujours des massacres. Autre chose, C'est aussi pendant cette période, la deuxième moitié de l'année 1991, que les Serbes inaugurent une autre méthode, la guerre des villes. Vukovar, par exemple, est bombardée 3 mois durant. Elle sera totalement détruite et tous ses habitants périront ou devront fuir. La Stalingrad croate, c'est ça, hein? Oui, oui. Et ensuite, d'autres villes croates subiront le même sort, la plus connue étant la cité historique de Dubrovnik. L'ancienne Raguse. Et puis, c'est aussi l'époque des camps, de véritables camps de concentration où l'on parque les prisonniers et les civils déplacés, ceux en tout cas qui n'ont pas été massacrés. Et face alors à de telles horreurs, hein, que fait l'Europe? Elle a d'abord mis du temps à prendre conscience de la gravité de la situation. Et puis, les diplomates pensaient pouvoir rééditer la médiation réalisée avec succès pour régler la question slovène. Mais c'est évidemment impossible, parce que ce qu'entreprennent les Serbes en Croatie, c'est une opération de conquête. Et lorsque le 14e cessez-le-feu... 14e? Oui, obtenu par les diplomates européens, interviendra enfin, les Serbes auront déjà mis la main sur un bon quart du territoire croate. Alors Milosevic a donc gagné. Et son armée, aidée par les irréguliers, a pu agir en toute impunité. Mais là, vous ne parlez que de l'action des Européens. Les États-Unis n'ont-ils pas été tentés aussi d'intervenir? Non. Non, pas directement, même si c'est un diplomate nord-américain qui va être chargé par l'ONU d'une mission de médiation. Toutefois, n'entrons pas dans les détails car c'est trop compliqué. Et surtout, ça montre l'impuissance de la communauté internationale et parfois son aveuglement face à un Milosevic qui a joué avec beaucoup d'habileté. Ouais. Alors voyons simplement les grandes lignes. Vas-y, je vous écoute là. L'attitude des Européens. D'abord, ils refusent de voir que dans les faits, la fédération yougoslave n'existe plus. D'ailleurs, bientôt, Milosevic, à l'occasion d'un véritable putsch, met la main sur la présidence yougoslave et élimine les représentants macédoniens ou bosniaques. Ouais, alors, la Yougoslavie, c'est donc maintenant lui. Et ses alliés monténégrins. Il n'empêche que Britanniques et surtout Français continuent de croire à la survie de la Yougoslavie. C'est très pervers. Car ça donne une sorte de légitimité aux actions armées des Serbes. Oui, qui agissent, ou semblent agir en principe au nom de la Fédération. Oui, mais l'Allemagne va forcer la main à Paris et Londres. Ayant toujours entretenu des rapports privilégiés avec la Croatie et la Slovénie, Bonn reconnaît l'indépendance de ces deux États. Oui, pour des raisons pas tout à fait désintéressées. Bon, essentiellement commerciales, en effet. Et les autres pays européens vont devoir suivre. À contre-cœur. Certainement. La communauté internationale, maintenant. Fin 1991, l'ONU se saisit du dossier et prend 2 décisions. La première, c'est l'imposition d'un embargo sur les fournitures d'armes à destination de tous les pays de l'ex-Yougoslavie. Tous les pays, hein? Oui. Mais dans la réalité, c'est une prime accordée à l'agresseur serbe le mieux armé. Et la deuxième décision va dans le même sens. Ben c'est l'envoi d'une force internationale, c'est oui, ça? Oui, hein? La force promenue, plusieurs milliers de casques bleus qui vont figer la situation et les lignes de front. Résultat, les gains territoriaux des Serbes sont entérinés. Mieux. Ces conquêtes sont désormais gardées par des casques bleus. Ah oui, c'est assez fort, ça. Cependant, la présence, quand même, hein, de ces casques bleus interdit à Milosevic d'aller plus loin. Ah, mais il n'a nulle envie de poursuivre ses conquêtes. Il a obtenu ce qu'il voulait en s'emparant des régions où vivent des Serbes. Et il a expulsé les Croates qui y habitaient. Et maintenant, il va pouvoir passer à la deuxième partie de son plan. Mais un mot auparavant. En principe, les casques bleus doivent occuper les territoires croates conquis et permettre le retour des réfugiés qui sont des centaines de milliers. Et surtout, l'armée fédérale doit se retirer. L'armée fédérale yougoslave, hein. Ce qu'elle fait? Oui, mais les irréguliers, eux, restent. Ils deviennent simplement les nouveaux policiers de ces 2 républiques autonomes serbes dont je vous ai parlé. Et en partant, l'armée fédérale leur a laissé un précieux armement lourd. Donc dans les faits, rien ne change. Vous imaginez bien que, malgré la présence des casques bleus, les réfugiés, même s'ils avaient envie de revenir chez eux, n'oseront pas effectuer leur retour dans des régions administrées par des Serbes. Et puis des régions par ailleurs dévastées. Oui, car le bilan de cette première guerre est extrêmement lourd. Des milliers de morts, des centaines de villages détruits, une économie croate ruinée à 40%. Et ces centaines de milliers de réfugiés. Un véritable désastre. Mais vous parliez à l'instant de la deuxième étape du plan de Milosevic. Oui, le président serbe, après s'être occupé de la Croatie, va se tourner vers la Bosnie, où il entend rééditer sa politique de conquête territoriale. Et pour ce faire, toujours dans l'optique d'édifier une grande Serbie, il se trouve un allié inattendu. S'il fallait garder une seule image de cette guerre serbo-croate, ce serait celle des ruines de Vukovar, la ville martyre, qui a subi un siège de 3 mois et autour de laquelle on retrouvera de nombreux charniers de prisonniers ou de civils. Ainsi l'a décrit Florence Hartmann dans son ouvrage déjà cité, Milosevic, La diagonale du fou. De Vukovar, la cité baroque des bords du Danube où vivaient mélangés depuis des siècles Serbes, Croates, Slovaques, Hongrois et Ruthènes, il ne restait que débris et cendres. Une ville fantôme, aux maisons éventrées, aux toits effondrés, aux arbres sectionnés, des rues jonchées d'éclats de verre, de gravats bordés de voitures criblées de balles, de cadavres d'animaux et d'humains. Plus une maison habitable, pas une église ni un magasin épargné. Vukovar, en ruine, devenait pour les uns la Stalingrad croate et pour les autres une ville libérée, promise au statut fantoche de capitale de la région autonome serbe de Slavonie orientale. Mais pour ses habitants, serbes comme croates, cette ville dévastée était synonyme de misère, de souffrance, d'obscurité et de mort et aussi d'exil. Alors qui est cet allié inattendu que va aller chercher Milosevic ? Franjo Tuđman, le président croate. C'est-à-dire le dirigeant du pays qu'il venait de dépecer. Oui, exactement. Mais ne vous étonnez pas trop, il existait de réelles connivences entre ces deux hommes forts qui gouvernent en quasi-dictateur. Quoi, c'est les connivences, c'est le nationalisme ? Non. Certes, Tuđman était un fervent nationaliste croate, mais Milosevic, lui, n'utilisait l'argument nationaliste que dans un seul but. Conforter son pouvoir et continuer à régner. Ouais. Il y avait quand même chez lui la volonté de créer une grande Serbie. Enfin, bien sûr, ouais. Une grande Serbie dont il serait le chef incontesté. Voilà ce qui l'intéressait. Il va donner une nouvelle preuve de son pragmatisme en concluant un accord secret avec Tuđman. Les deux hommes s'étaient d'ailleurs déjà rencontrés à ce propos en mars 1991, quelques jours seulement avant le début de la guerre de Croatie. Alors, de quoi s'agit-il ? De se partager purement et simplement la Bosnie-Herzégovine. Mais pour poursuivre cet objectif-là, Milosevic a-t-il vraiment besoin de Tuđman ? Parce que son opération sera plus présentable si l'armée croate se met de la partie et concourt à ce dépeçage. Mais en contrepartie, que peut offrir Milosevic à son compère Tuđman ? La restitution à terme des territoires conquis en Croatie. Ah bon ? Alors, pour les nationalismes serbes, c'est une vraie trahison, ça. Enfin, Milosevic n'en a cure, car il sait fort bien que les frontières de la Croatie, ayant été reconnues par les instances internationales, il sera un jour ou l'autre obligé de lâcher les Serbes de la Krajina et de la Slovénie. Donc, pour lui, c'est une monnaie d'échange qui ne lui coûte rien. Ouais, de la monnaie de singe, en somme. Ouais. C'est ça. Et c'est pourquoi il est prêt à sacrifier ses Serbes. Alors même, comme c'est incroyable, alors même que la guerre qui a permis ses conquêtes a été effroyable et si coûteuse en vie humaine. Mais ça n'a que peu d'importance pour un homme comme Milosevic, qui est d'abord un joueur d'échecs. Ouais. Enfin, comment cette offensive contre la Bosnie-Herzégovine commence-t-elle ? Vous permettez un mot d'abord. La Bosnie-Herzégovine, c'est un peu la Yougoslavie telle que l'avait rêvée, construite Tito. Une authentique mosaïque de peuples slaves qui vivent en paix, les uns avec les autres, c'est-à-dire des Croates, des Serbes et des musulmans. Ouais, des Bosniaques musulmans. Ouais, que Tito a reconnu en tant que nationaliste. Ouais. Mais tous ces citoyens ne vivent pas les uns à côté des autres, mais au milieu les uns des autres. C'est en ça, effet. Ouais. Et vous avez raison de souligner ce point important. Car puisqu'il n'existe pas de territoire homogène où vivent ces ethnies, toute volonté de regrouper une ethnie dans une région donnée aboutira fatalement à des déplacements de population. Et donc à des nettoyages ethniques. Exactement. Alors, comment ça commence ? Dans la deuxième moitié de 1991, la Bosnie-Herzégovine, à l'instar des autres républiques de la Fédération yougoslave, fait voter au Parlement son indépendance. Mais il faut remarquer tout de suite que les Serbes du parti de Radovan Karadžić ont refusé de participer à ce vote. Et ça, c'est un signal inquiétant. Oui. Car Karadžić proclame aussitôt la formation de 4 régions autonomes serbes dans les communes où les Serbes sont majoritaires. 4 régions qui seront bientôt fondues en une république serbe de Bosnie-Herzégovine, qu'on appelle aussi la république de Srpska. Ouais. Alors, c'est le début de la partition, ça. Et lorsqu'à la demande des Européens, les Bosniaques sont invités à confirmer ce choix de l'indépendance par référendum, la crise éclate, car les électeurs serbes ont décidé de boycotter l'élection. Ils ont même déclaré que la tenue de cette élection, qui aboutirait pour la Bosnie à sortir de la fédération, serait pour eux un casus belli. Et le résultat ? 99% des électeurs se prononcent pour l'indépendance. Mais 30% se sont abstenus. Ça fait beaucoup, ça. 30% du corps électoral, oui. Oui, bien sûr. Et ce sont bien évidemment les Serbes. Et dès le lendemain, des barrages sont érigés autour de Sarajevo, la capitale de la Bosnie. Donc là, c'est vraiment le début de la guerre. Et les forces armées de Belgrade ne vont pas tarder à entrer dans le jeu. Une intervention que niera toujours Milosevic, mais qui ne trompe personne. En fournissant hommes et matériel aux forces de Karadzic, censées livrer une guerre civile, c'est Belgrade qui agit directement en Bosnie. Et ce sont ces tueurs paramilitaires, tels Arkan, qui procèdent à la purification ethnique et à son cortège d'horreur dans les régions qu'ils conquièrent et occupent. Et en face, alors, est-on en état de résister ? Très difficilement. Le Bosniaque, Alija Izetbegović, à qui est échue la présidence tournante de la République, ne croyait pas à la guerre. Il s'est donc abstenu de constituer une armée digne de ce nom, et les Serbes, qui ont mis le siège devant Sarajevo, ce qui sera d'ailleurs le plus long siège de l'époque contemporaine, peuvent donc agir à leur guise. En seulement 3 mois, ils se sont emparés de 70% du territoire bosniaque. Et les Croates, alors, sont-ils aussi intervenus ? Des Bosniaques croates se sont d'abord opposés à l'avancée des troupes serbes. Mais, rappelés à l'ordre par Tudjman, ils ont ensuite, à l'imitation de Karadzic, créé leur état fantoche en raflant de larges pans de la Bosnie. Et d'une façon tout à fait symétrique à celle mise en œuvre par Milosevic, le président Tudjman fait donner son armée, qui procède, elle aussi, à des nettoyages ethniques et bombarde les positions bosniaques comme à Mostar. Oui, c'est la destruction du très beau pont médiéval de la ville. En faute, oui. Ouais. C'est pourquoi plus tard, des Croates devront aussi répondre de leurs actes devant le tribunal pénal international aux côtés de criminels de guerre serbes. Mmh. Alors, face à ce qu'il faut bien appeler un chaos, un tel chaos, il faut bien se demander une fois de plus ce que fait la communauté internationale. Une communauté qui n'ignore rien des exactions commises en Bosnie, à la fois par les Serbes et les Croates. Et puis, il y a quand même tous ces casques bleus stationnés en Croatie. Il faudra attendre 2 mois pour que le mandat de Fortebraun soit élargi. Quoi, pour restaurer la paix, s'interposer ? Pas du tout, non, simplement pour acheminer l'aide humanitaire, principalement à Sarajevo. Et c'est peu après, fin juin 92, je crois, que François Mitterrand fera un geste spectaculaire en se rendant dans la capitale bosniaque assiégée et en proie au bombardement serbe. Il voulait obtenir la réouverture de l'aéroport. Hein. Oui, toujours pour acheminer l'aide humanitaire. Et il aura gain de cause. Mais les bombardements continueront. Et Mitterrand s'obstinera à refuser toute opération militaire internationale pour mettre fin aux exactions serbes. Ah, la vérité, pourquoi là ? Il était pro-serbe, Mitterrand ? Il avait certainement de la sympathie pour la Serbie, comme beaucoup de Français, politiques ou militaires. Et ça a dû jouer. Mais je crois surtout qu'il craignait qu'en cas d'attaque contre les Serbes, les casques bleus, dont beaucoup de militaires français, n'en payent le prix fort. Ouais, ça finira par arriver plus tard, puisque certains seront pris en otage par les hommes de Karadzic. Oui, c'est exact. Enfin, n'allons pas trop vite. Naturellement. Quoi qu'il en soit, Milosevic joue une fois de plus avec habileté des divisions et des atermoiements de la communauté internationale. Donc, la seule décision importante sera la création de zones de sécurité. Ouais, on verra ce qu'il en adviendra à Srebrenica, hein, où les casques bleus seront impuissants à protéger la population. Hein. Une population abandonnée et qui sera massacrée par les hommes de Mladic. Mais revenons à ce que je vous disais sur l'attitude des dirigeants occidentaux. Bill Clinton, par exemple, qui prend ses fonctions au début 1993, était partisan pendant la campagne présidentielle d'une action militaire contre la Serbie. Mais une fois élu, il fait machine arrière. Et pourquoi, à votre avis ? Pour ne pas se fâcher avec Moscou, allié traditionnel des Serbes orthodoxes. Ouais, les Russes étant bien sûr hostiles à toute intervention armée de l'Occident. Surtout dans une région qui faisait partie, il n'y a pas si longtemps, de leur précaré. Quant aux Européens, ils sont divisés et reculent devant l'option militaire. Mais c'est grave, très grave, car pendant ce temps-là, les massacres et les déportations continuent. Et Milosevic continue de s'en laver les mains. Pour lui, ce sont les Serbes de Bosnie, les soldats du général Mladic qui sont responsables. Pas ses troupes. Mais c'est parfaitement hypocrite. Forcément, car il continue de soutenir clandestinement l'armée de Mladic. Mais Milosevic se sent indispensable. Il est l'interlocuteur par lequel doit passer toute négociation de paix. L'homme avec lequel on doit absolument compter. Et il se présente à tous comme le conciliateur numéro 1. face au duo Karadžić-Mladić qui incarne selon lui le jusqu'au boutisme. Oui, c'est un double langage. Non ? Tout à fait. Et en outre, il sort de son jeu une autre carte. Le danger islamiste. Expliquez. Le président Izetbegović, qui doit à la fois se battre contre les Serbes et les Croates, pense très sérieusement à faire de la Bosnie, ou de ce qu'il en reste, un État islamique. Lui-même étant depuis longtemps un musulman convaincu. Enfin, qu'espère-t-il vraiment ? Izetbegović entend faire jouer la solidarité islamique, et donc attirer à lui des combattants musulmans. Des islamistes, donc. Oui, comme en Tchétchénie ou en Afghanistan lors de la guerre contre les soviétiques. Le djihad, en somme. Et effectivement, des moudjahidines arabes viendront en Bosnie. Mais cette politique d'Izetbegović est dangereuse et entraîne au moins deux conséquences. D'une part, elle éloigne les officiers non musulmans qui combattent uniquement pour le salut de leur patrie au sein d'une armée pluriethnique. Ensuite, c'est une sorte de chiffon rouge brandi à la face des Occidentaux qui n'ont guère envie de voir naître en Europe un État islamique ou même islamiste. Oui, Izetbegović commet donc là une profonde erreur. Oui, mais exploité par Milosevic naturellement. Et nombreux seront alors les Occidentaux qui penseront que le vrai problème, c'est Izetbegović. Et que sans lui, on arriverait peut-être à obtenir la paix. Oui, c'est la vérité. Le médiateur européen, le Britannique Lord Owen, en est par exemple intimement persuadé. Mais c'est alors, surtout après le bombardement du marché de Sarajevo, qui provoque la mort de dizaines de Bosniaques, que les États-Unis vont s'impliquer réellement. Ah oui, alors Clinton a changé d'avis. Oui. Et ce n'est pas sans arrière-pensée. Ah ben, lesquels alors ? Je vous demande un petit peu de patience. Les Américains pensent qu'il faut mettre un terme le plus tôt possible à cette guerre triangulaire qui oppose les Croates contre les musulmans, les Serbes contre ces mêmes musulmans et parfois les Croates contre les Serbes. Et non sans raison. Ils vont tout faire pour qu'il n'existe plus que deux camps. C'est-à-dire, si je comprends bien, une alliance musulman-croate face aux Serbes. C'est cela. Et remarquez-le, c'est ainsi qu'on aboutira un peu plus tard, en 1995, à la signature des accords de Dayton qui consacreront le partage de la Bosnie-Herzégovine en deux entités. Mais nous y reviendrons dans un prochain entretien, car c'est encore une très longue histoire. En tout cas, jusqu'ici, moi je note que la victoire semble appartenir à Milosevic, et donc au camp serbe. Et il faudra le Kosovo pour que le président serbe perde tout ce qu'il avait cru gagner. Le Kosovo, où tout avait commencé. Alors, quand même un mot, là, avant de nous quitter, ces arrière-pensées états-uniennes. Bien, il y avait longtemps que les généraux du Pentagone voulaient faire la preuve de l'utilité de l'OTAN, en dépit de l'effondrement de l'Empire soviétique. Et ils pensaient qu'une intervention militaire dans l'ex-Yougoslavie pourrait leur permettre d'administrer cette preuve. Un samedi prochain, donc, pour un troisième et dernier entretien consacré au secret des guerres des Balkans.